Pour moi, quand je dis qu'il y a un cap, là, c'est que. Ouais, le point tournant. Il y a un point tournant dans la vie de chacun, là. C'est ça que je veux dire. Il faut que les gens en arrivent à ce point tournant-là. Soit qu'ils passent au travail, qu'ils passent au-dessus, qu'ils passent à côté, qu'ils cantonnent ou qu'ils voient. Dépendant de leur personnalité. Dans ce sens-là. Il y en a qui passent au-dessus du cap. Boulian, c'est un exemple. Qui passe au-dessus du cap. Il voit le cap. C'est comme s'il voyait maintenant ce qu'il n'aurait pas vu si on s'était pas rencontré. Comment je dis? Ça joue ensemble? Alors, je vous explique ça à ma façon. Là. Ah oui, hein? Ouais, mais le fait qu'elle voit de haut, c'est déjà à l'éviter. T'sais. Est-ce que ça veut dire que pour elle, elle surmonte, et nous autres, on affronte? Nous autres, vous l'affrontez, puis elle, c'est pas qu'elle la surmonte, c'est qu'elle passe au-dessus. Ça la touche fort. Elle passe au-dessus. Il dit, changez pas de mot. Prenez-les comme ça, là, prenez la vibration, il dit ça, 5, ça veut dire. Comment ça, je veux dire? Il y en a qui ne voient pas le cap. Non. Il y en a là, le cap est ici. Autrement dit, la limite intérieure est ici, disons, là. Puis ils passent ici, eux autres. C'est bien comique, la patente. Il y en a une dans la salle, je ne peux pas dire ce que c'est. Mais. Ça ne va pas. Non. Ils dépassent, ça ne va pas. Ils dépassent pas, puis ils dépasseront pas. Parce que pour le dépasser, faut le voir. Faut le voir, le cap. Faut que chaque personne voie son cap. Ouais. Faut que tu le vois, tu passes au-dessus ou tu rentres dedans. Mais faut que tu le saches, qu'il y en a un. Faut que tu le saches. Faut l'identifier. Faut l'identifier. À ce moment-là, c'est là que tu comprends vraiment ta limite. C'est là que tu comprends ton absence de limite. Ou c'est-à-dire que tu viens de rencontrer le point là que... Ou tu rentres dans l'eau. Tu débranches une barrière. C'est ça. La minute que tu dis là, je viens de comprendre la limite, là, tu la dépasses. Ouais. Bon, là, tu n'as plus. Alors là, à ce moment-là, les limites sont simplement imposées en relation avec votre taux vibratoire, votre vie là, présente. Mais après ça, là, ça va. C'est-tu 40 ans, tu dis que t'es au bout, là, puis il faut qu'il se passe quelque chose. Pas ça. Ouais. Quand tu dis que tu es au bout, là, faut qu'il se passe quelque chose, là, c'est parce que tu sens la vibration d'un changement vibratoire qui s'en vient. Mais ça, c'est parce que tu as déjà vécu l'affaire du cap. Alors, autrement dit, il y a une difficulté qu'on surmonte, parce qu'on est après monté le cap. Une difficulté que vous surmontez. Vous, ouais, êtes, ouais, vous, êtes dans, ouais, vous êtes en train de sortir la limite du cap. Ouais. Quand vous êtes sorti de cette affaire-là, à ce moment-là, ça revient à ce que tu dis. Là, tu dis, il faut qu'il y ait quelque chose. T'sais. Là, il y a un changement vibratoire qui se fait, il y a un changement vibratoire qui se fait. Il n'est jamais à la hauteur que vous pensez. Ouais. Fait que là, ça... C'est pas. C'est ça. C'est pas du manteau. C'est pas du manteau. Ouais. D'abord, quand t'as dépassé le cap, ça te donne l'impression de comprendre, de saisir un peu quelque chose que tu ne peux pas saisir avant. C'est un peu ça, hein? Tu sais? Ouais. Tu commences à saisir tout. C'est ça. Tu saisis une chose que tu ne peux pas saisir avant. Ouais. Comment quelqu'un te l'a dit mille fois, tu ne comprends pas. Ouais. Mais là, tu sais. C'est clair. Ouais. Ouais. Ouais. Là, vous commencez à rentrer dans votre savoir. C'est ça. Là, tu comprends ça, tu sais que c'est ça. Ouais. Comment quelqu'un te reste pour ça, tu sais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que tu le sais. C'est ça. Ouais. T'as pas t'obstiné avec personne. Non. Tu sais que c'est ça. T'as pas prouvé rien. Pas... Et tu sais, tu le sais. C'est ça. Ouais. Ah. Ah. Mais moins tu veux aide avec les briques. Ouais. C'est vrai. Et là, c'est comme moi, là. Moi, j'ai ma vie, j'ai des gens avec qui je peux passer ben du temps ensemble. À part, c'est n'importe. C'est ça. Parce que ma sensibilité fera qu'après quelques temps, je ne vois. Fait que plus tu es centrique, plus

qui nous sera approché par le curé et tout le sein. On est un mystère à soi-même. Il faut qu'on en arrive à se connaître, à se comprendre totalement.